Puis je suis rendu à un point que je le sais que c'est de même. C'est des hosties. Dans le sens que le seul but, c'est qu'on pète de la naïveté, puis qu'on intègre certains principes. Puis pour ça, c'est plus important ça que même notre propre vie. Parce que de toute façon, un ego, ça meurt. Fait qu'eux autres, de la façon qu'ils voient ça, ils s'en calissent. Nos vies n'ont pas de valeur à leurs yeux au niveau de l'ego, au niveau égoïque. Tout ce qui compte, c'est de créer de la conscience, puis plus de conscience, puis qu'on brûle de la naïveté. Quitte à ce qu'on en meure, ils s'en calissent. Puis même que si tu t'efforces à répondre là-dessus, ils vont l'avouer. Ils finissent par le dire. Dis-moi, c'est pour créer l'expérimental, puis que créer des humains de moins en moins naïfs, dans le fond, ou que la souffrance a de plus en plus à se transmettre en conscience, la souffrance expérimentale. Puis c'est, accordez-vous de la valeur à la vie de l'ego, ils vont dire non, juste au résultat possible, au potentiel possible par rapport à ça. Puis si t'es là à dire ouais, mais je mérite mieux que ça, ils vont le dire, ça marche pas selon le mérite. Ça n'a pas rapport avec le mérite. Ce qui importe aux yeux de ces affaires-là, que c'est inhumain dans le fond, c'est juste d'engendrer plus de conscience d'une génération à l'autre, puis qu'à un moment donné, il y ait des prototypes d'humains de moins en moins naïfs, puis de plus en plus conscients. Ils s'en calissent que tu aies une masse de 600 000 personnes de plus en plus endormies, tant que de temps en temps, tu as deux, trois personnes, un prototype encore plus conscient qui apparaissent. Puis pour ça, ils vont engendrer encore plus de souffrances dans la matière, encore plus de souffrances expérimentales, puis ils n'en ont pas de compassion, puis ils n'en ont pas d'empathie. Puis si tu vas être heureux, si tu vas être bien, c'est toi-même qui va être forcé de le faire par toi-même, puis jamais ils vont t'aider. Jamais.